Saint-Michel. Attention à la marche en descendant du train. Please mind the gap between the train and the platform. Cuidado con el espacio entre el vagón y el andén. Thank you. Please ensure you take all your possessions with you. Por favor, no olviden recoger todo su equipaje. Thank you. château d'eau. Château d'eau. Gare de l'Est. Gare de l'Est. Avant de descendre, assurez-vous de ne rien oublier à bord. Please ensure you take all your possessions with you. Por favor, no olviden recoger todo su equipaje. Thank you. séquence de Gare du Nord, Paris, Binorad.